Cours numéro 29. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir baba qawlillah ta'ala afa aminu makrallah. Fama huwa al-amnu min makrillah azza wa jal. نعم الذي يظن أنه ما سيعذب عياذا بالله. والقنوط من رحمة الله, ما معنى القنوط؟ عند من؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط ما معناه؟ استبعاد الفرج واليأس منه. ما معنى هذا؟ يظن أنه بسبب كثرة ذنوبه الله سبحانه وتعالى ما سيغفر له. أي الله va pas lui pardonner. لماذا؟ لأنه il a beaucoup de péché. أي désespère. استبعاد الفرج. كذلك il est shidda, peut-être une maladie ou la pauvreté, ou il est touché par un mal, ou yastab'id al-faraj. Aïe, anna Allah azza wa jal yiftah alayh. Il le guérit, ou il le guide, ou il lui pardonne. Hada al-qanit min rahmatillahi azza wa jal yastab'id hada. Fa, il désespère. Et il pense que il pourra plus être guidé, ou guéri, ou sauvé. عياذا بالله. Cheikh al-Islam, il a cité ces deux points en citant des preuves fi hadha al-bab pour démontrer ماذا? نعم, أن هذا يضر بتوحيد العبد. Ça fait du mal au tawhid, ça fait du mal à l'iman. Ça fait descendre l'iman. Ça diminue l'iman. لماذا? Pourquoi ça fait diminuer l'iman? Hein? Et n'am. N'am. Li'anna al-amn min makrillah wal-qunuta min rahmatillah min al-kaba'ir. C'est des grands péchés. Les grands péchés, ça fait descendre. Ça fait diminuer la foi. Et ça montre anna tawhid hadha al-asi li il est faible. Ah oui, il a diminué. C'est un bab très très important. Hada. Qui c'est qui le récite? Tfadal. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والامن والياس من روح الله والامن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر كبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم احسن. قال المؤلف رحمه الله باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا الباب سيسور الصبر لا باسيونس. والصبر سيون عبادة عظيمة, عبادة قلبية. Et après avoir cité ما يتعلق بالمحبة والأمن والخوف أقصد والأمن من مكر الله والقنوط من رحمته إلى آخره, il a cité هذا الباب المهم الصبر. فلا بد pour le مؤمن s'il veut avancer في دينه, faire des progrès في الدين, et كذلك s'il veut avancer في ما يتعلق في دنياه, فلا بد من الصبر. لماذا؟ لأن هذه الدار Et dunya c'est dar al-bala. Et plus l'insan il est qawi fi imanihi wa fi tawhidihi, plus incha'Allah ta'ala il aura had al-sabr al-azim al-muhim. C'est pour ça que tu trouves l'anbiya wa al-rusul alayhim as-salatu was-salam, c'était asbar an-nas, ils patientaient kathiran. Et comme ça y est, il y a un sabr, ou plutôt un ibtila, il est par rapport à l'iman. Fakulama kawya iman ou l'abd, kulama bdulia min Allah azza wa jal. Limada li anna hadha l'abd qui a iman kawi, un tawhid kawi, il aura la patience, un sabr, pour faire face à cette épreuve. وكلما ضعف إيمان العبد كلما الابتلاء sera par rapport à son iman. Et ça c'est min rahmat Allah azza wa jalla. الصبر c'est lié avec le tawhid. C'est pour ça que Cheikh al-Islam il a cité هذا الباب في كتابه النفيس كتاب التوحيد. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التسخط منها لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. سكنت خدي كمال التوحيد. تقدم معنا كثيرا أن التوحيد منه أعلى منه قوي ومنه أي أدنى, أي أنه يضعف بسبب الذنوب والغفلة etc. ف le manque de sobre qui va pousser à se plaindre, à ne pas patienter, à se lamenter, ça montre que tawhid, هذا الشخص qui ne patiente pas, il est ضعيف. Allez, هذا شيخ الإسلام il a cité هذا الباب. Plusieurs abouab il a cité pour démontrer أن certaines choses elles font diminuer le tawhid, ça fait diminuer l'iman. ومنها ما تقدم dans le chapitre précédent et هذا الباب et d'autres abouab. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله أي ما قدره الله سبحانه وتعالى على العبد. فالله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. Il a tout décrété سبحانه وتعالى. Tout est écrit في كتاب. فالإنسان لابد يصبر, لأن dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour l'abd al-mu'min, là chaque il y a des épreuves, là chaque il y a des difficultés. La bud min as-sabr limada li'anna comme on a dit hadhihi ad-dar c'est dar al-ibtila. L'insan il est éprouvé par la pauvreté, par la peur, ahyanan par la faim, par la maladie, par des ennemis, par des injures, des insultes, de l'injustice. La bud min as-sabr. لماذا لأن tout ça c'est من قدر الله عز وجل. Et ce qui aide à patienter c'est l'étude de هذا التوحيد. أن tout ce qui arrive à ce mu'min ou à cette mu'mina c'est بقدر الله عز وجل. Et vu que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété cette chose فلا بد elle arrive. فالإنسان ما عليه إلا الصبر. كذلك ce qui aide à patienter c'est de savoir أن هذه الابتلاءات الفتن المحن ça dure pas. كما قال عز وجل إن مع العسر يسرا. فتو es éprouvé aujourd'hui, espérer ça passera. ثم tu seras éprouvé par une autre chose et ça repassera حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فلهذا الإنسان ربما يبتلى في جسده وفي ماله وفي أولاده إلى آخره et il patiente حتى يلقى الله سبحانه وتعالى et il a aucun péché كما جاء في الحديث. لماذا لأن هذه الابتلاءات c'est une نعمة في الحقيقة pour العبد. Ça le purifie de ses péchés. Celui qui prend les épreuves de cette façon, avec cette vision, de cette manière, avec un tawhid qawi, ça sera beaucoup plus simple pour lui. Mais celui qui est accroché à dunya et il pense que ses épreuves, c'est contre lui. Et il ne connaît pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne connaît pas At-Tawhid. Et il oublie l'au-delà. Tellement qu'il est attaché à cette dunya. Enfin, une épreuve, ça lui fera beaucoup de mal. Même si cette épreuve, elle est très, très, très faible en intensité par rapport aux épreuves des prophètes, des messagers, alayhim salatu salam, et ceux qui les suivent. لماذا لأن كما قلنا مرارا dans les dorus précédents, c'est une question de priorité. Celui qui est attaché à cette dunya, enfin une épreuve, ça peut être dans son argent, مثلاً, et tellement qu'il accroche à cette chose, ça lui fait beaucoup de mal. أما المؤمن, celui bien sûr qui a iman qawi, qui connaît at-tawhid, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, هذه الدنيا ne vaut pas grand chose pour lui. Enfin, facile et éprouvé vie dunya, yasbir. Bel, il sait que c'est un khayr pour lui. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى veut le khayr pour le mu'minin. Et il patiente et ça passe. L'essentiel, c'est que son din il est préservé. أما s'il est éprouvé في دينه, لابد من توبة. Il doit faire tawba, il doit se remettre en question. أما les épreuves في الدنيا, que ce soit l'argent, que ce soit la bonne santé, que ce soit la mort d'un proche, toutes ces choses, elles disparaîtront. كل نفس ذائقة الموت. والله المستعان. مثل هذه الأبواب, vous avez remarqué, ça renforce tawhid al-abd. Et c'est ça qui aide à patienter. C'est ça qui aide à faire face aux épreuves. C'est ça qui aide à relever la tête quand l'insan il est éprouvé. C'est ce genre de abwab. C'est pour ça que le mu'min doit donner beaucoup de temps à ce genre de masail. ثم شيخ الإسلام رحمه الله إلى سيتي قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى في مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة. Vous avez remarqué que في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي celui qui croit en Allah سبحانه وتعالى. Et l'Iman, ça englobe l'Iman bi wujudillah, bi rububiyatillah, bi uluhiyatillah, wa bi asma'ihi wa sifatih. Et celui qui a une aqida correcte, qui connaît at-tawhid, yahdi qalbah. Allah, il va guider son cœur. Même s'il est éprouvé fi jismih, fi malih, fi ahad, aqaribihi, s'il est éprouvé dans ces choses qu'il aime, Allah yahdi qalbah. Il patientera. Il ne se plaindra pas. Mais babi awla, il ne se lamentera pas. Abadan. Yasbir. Limada. Lianna Allah yahdi qalbah. Donc, à tawfiq, c'est min Allah. Lakin, la cause. Il faut faire des efforts via hadha al-bab. Wa man yu'min billah. Wa l'iman, c'est pas mujarrad qawl. Là, l'iman, عند أهل السنة, c'est une croyance dans le cœur, c'est des paroles et c'est des actes. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ أي celui qui apprend son dîn et qui le met en application. Allah يَهْدِي قَلْبَهِ Dans les vitaines, il a quelque chose pour se reposer, quelque chose à quoi s'accrocher, c'est هذا l'iman. فَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَخَافْ إِلَّا مِنَ اللَّهِ ويرجو من الله عز وجل كما on a vu dans les abwa précédents le résultat يهدي قلبه الله يجيد son cœur. فلهذا قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة أي c'est un homme qui est touché par une épreuve فيعلم أنها من عند الله. لماذا؟ لأن son iman qui est fondé sur le Coran ou le Sunnah, il y a des preuves claires. Tout ce qui arrive à l'homme, à l'être humain, c'est min indillah. Allah, il a tout décrit, tout décrété. قال فيعلم أنها من عند الله. Il sait que c'est min indillah. هذا الاعتقاد, هذا الإيمان, ça va reposer هذا العبد. C'est pour ça que tu trouveras هذا المؤمن, il va pas parler beaucoup quand il est éprouvé. Mais pourquoi, pourquoi c'est moi qui ai touché, mais qu'est-ce que j'ai fait, كما نسمع من بعض الجهال. Quand ils sont éprouvés, يكثرون من الكلام. Et في الحقيقة هذا الكلام qui prononce, ça leur fait beaucoup de mal. الإنسان quand il est éprouvé, يستغفر الله. لماذا؟ لأن il est éprouvé par rapport à ce qu'il a fait. كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Toutes les catastrophes qui nous touchent, c'est le résultat de ce qu'on a fait avec nos mains. لأن الله il est juste. في هذا الحال الإنسان يستغفر, il se remet en question, il fait des efforts في دينه ويعلم أنها من عند الله. Si c'était, il a fait une faute, فيستغفر ويتوب. S'il a rien fait, il a subi une injustice, يصبر. Il sait que c'est من عند الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut l'élever avec cette musiba. فيصبر. Et ça passera. قال فيرضى ويسلم. Tellement que هذا العبد il a un niveau في الإيمان, يرضى. أي il est satisfait. Il est éprouvé et il est satisfait. لماذا؟ Il sait que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il patiente, c'est un khayr pour lui. أما dans les choses bonnes que l'insan il aime, quand Allah il a décrété maintenant que l'insan il a un enfant, il a de l'argent, il est en bonne santé, c'est واضح. أن الإنسان il sait que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est satisfait il a akhir. Ça c'est dans les bonnes choses, c'est clair. لكن quand tu es éprouvé par un mal, كذلك هنا فيرضى قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة. Il est touché par une catastrophe. فيرضى. لماذا يرضى؟ لأن يسك من عند الله. Il sait que peut-être c'est à cause de un de ses péchés, Allah il veut son bien et c'est la, ça sera la cause qu'Allah il lui pardonne cette faute. كذلك ce genre d'épreuve ça façonne الرجال ولله الحمد. أن الإنسان il prend de l'expérience et il prend des دروس et il tire des leçons et s'il a fait une erreur il la refera pas. Alhamdulillah, l'essentiel c'est de patienter hatta al-insan yamut et ar-raha c'est fil jannah. Celui qui veut raha fi dunya, il n'a pas compris son din. Alihada qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya sijnul mu'min, il l'a comparé à la prison pour le mu'min. Celui qui veut raha, il fait des efforts pour plus tard. Ma'a anna al-mu'min il est fi khayr fi dunya. Walillahi alhamd, il est fi khayr, même s'il est éprouvé, il n'est pas éprouvé toujours. Et dans beaucoup de situations, il est fi khayr, walhamdulillah. Lakin celui qui veut, quand on dit ar-raha, ay da'iman, sans être éprouvé dans rien, bah, hada, il n'a pas compris son din. Et hada, il se fera beaucoup de mal. Limada, il y en a celui qui espère une chose, thumma, il est touché par une épreuve, mathalan, il espère ar-raha, ne jamais avoir de problème, ne jamais être éprouvé. Quand il est éprouvé, walou, par une petite chose, fala yasbir. Pour lui, c'est énorme. Amma al-mu'min qui est prêt. Il connaît son din, il connaît sa aqida. Il sait qu'il peut être éprouvé. Bel, s'il est éprouvé, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Comme j'ai dit le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah il aime un qawm, un peuple, il les éprouve. Haz al-mu'min, il est prêt avec cette aqida. S'il est éprouvé, il yasbir. Kadhalik al-ulama, il yadhkuroun, celui qui est touché par une épreuve, il se rappelle ils ont des épreuves beaucoup plus difficiles que la sienne. Ça aide à patienter. Si tu es touché par une maladie, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont à l'hôpital peut-être, ou qu'ils sont chez eux, ils ne peuvent plus sortir à cause d'une maladie. Si tu es éprouvé par la pauvreté, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de toit. Si tu es éprouvé par la perte d'un proche, فعلا من الوعد, ils ont été éprouvés, ils ont perdu toute leur famille et ils sont seuls. هذا ça aide بإذن الله en travaillant الإيمان التوحيد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الصبر في اللغة الحبس. أي la patience, العلماء la définissent en langue arabe في اللغة. Et linguistiquement, ça vient de al-habs. Et le fait de retenir. C'est pour ça que parmi les noms de la prison en arabe, yaqulun al-habs ou al-sijn. Al-habs, l'insan, il est retenu dans cet endroit, il ne peut pas sortir. Fas-sabr, ou al-habs, tu retiens. Ou avec l'istilah, dans notre sujet, fi tawhid, dans la religion, dans les versets, dans les hadiths, quand tu entends le mot sabr, قال شيخ العثيمين هو حبس النفس على الأشياء أو على أشياء وعن أشياء حبس النفس أي سنفس كي أبل بوكو أمان فالإنسان يحبسها على أشياء وعن أشياء tu vas retenir ton nefs contre certaines choses أي pour pas que elle fasse ou elle ait envie de faire certaines choses أي elle te pousse à les faire وهو ثلاثة أقسام الصبر العلماء il cite أنه il est en trois catégories. الأول الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله. أي si tu veux faire des efforts في الطاعة لابد من صبر. لماذا؟ لأنه ça demande de la patience pour faire صلاة à l'heure, pour se réveiller le matin, pour accomplir l'umrah, pour accomplir le hajj, pour faire un siyam, pour patienter إلى آخره. Ça demande là chaque sabrun. الثاني الصبر عن معصية الله. لأن النفس elle est attirée par الشهوات. فلابد الإنسان يمسك هذا النفس فيصبر عن معصية الله. C'est pour ça que vous avez remarqué que l'insan il est attiré par certaines choses et ces choses c'est haram. فلابد من الصبر. Il patiente et il ne fait pas cette chose. ثالثا الصبر على أقدار الله المؤلمة أي على أقدار الله المؤلمة لأن القدر منه خير ومنه شر فلا بد pour ما قدر لك من الابتلاء إلى آخره من صبر كما قال عز وجل فاصبر لحكم ربك tu dois patienter si Allah il a décidé que telle chose elle te touche. Et c'est ça, al-murad, bihad al-bab, c'est la troisième catégorie. As-sabru ala aqdarillah. Hada al-kalam min al-qawl al-mufid. Qala al-muallif rahimahullah wa fi sahih muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala itnatan fin nasi huma bihim kufr at-ta'nu fin nasab wa niyahatu ala al-mayyit ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في مناسبة الحديث الأول للباب أن فيه دليلا على التحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل وأن ذلك من كبائر الذنوب اثنتان في الناس هما بهم كفر هنا سيبا الكفر كيف يستطيع دل الإسلام لا هنا سيبا الكفر الأصغر أي سيبا كبيرة parmi الكبائر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في النسب سيكريتيكي النسب d'une personne. Il vient de telle famille, de telle origine, هذا c'est haram. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه أنه il vient de cette famille, ses ancêtres, ses فلان et فلان. فلماذا الطعن فيه؟ فلا يجوز هذا. هذا c'est من أمور الجاهلية. Critiquer les origines d'un tel ou ses parents ou ses grands-parents, لا يجوز هذا. والنياحة على الميت. النياحة c'est البكاء. البكاء avec التسخط على الميت أي si il perd un proche il fait des choses عياذا بالله qui montre أنه il est pas d'accord avec le qadr et ça c'est très très grave et le deuxième حديث ابن مسعود فسلا même chose ليس منا من ضرب الخدود والشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية et ça c'est من النياحة ضرب الخدود أي se taper les joues, se griffer, شق الجيوب, s'arracher les vêtements, comme ils font au Wa'ad al-Juhal. quand ils apprennent la mort d'un proche, d'un fils ou d'un enfant ou autre, فَعِيَدًا بِاللَّهِ يَحْصُلْ مِنْهُمْ هَذَا. Et ça, c'est مِنَ التَّصَخُّطِ. كَأَنَّهُمْ ils ne sont pas satisfaits. Ben, ils ne sont pas satisfaits et ils n'acceptent pas هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى. C'est très grave. فَلِهَذَا ils disent des paroles très très graves. Et بعضهم ils se griffent le visage, ils se déchirent les vêtements. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ ils n'acceptent pas cette nouvelle. Ça fait du mal. Al-Iman, la shak, celui qui fait ça, waqa'a fi kabira, et ça fait descendre son iman, et ça prouve qu'il a une grande faiblesse dans le tawhid. Et kadalik, ça ne changera rien. Et ce proche qui est mort en faisant ces choses, est-ce qu'il va revenir? Abadan. Là, ça montre un dha'f fi l'iman et fi l'aql. Qala, rahimahullah, wa an Anas. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. Et pour revenir au hadith précédent, anna le lien avec le hadith al-bab, fa kama qala Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, ay an-niyaha 'ala al-mayyit, ça montre un manque de sabr. Limadha ba'd an-nas, quand ils apprennent la mort d'un proche, ils crient et ils se déchirent les vêtements, ils se griffent et ils disent des paroles très très graves. Les malades, les anahum, ils n'ont pas patienté. وَالصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Le sabre, c'est au premier instant, c'est pas après. Il y a بعض الناس, au bout d'une semaine, ou un jour, ou quelques heures, ils se calment, et ثم ils appellent cela de la patience. Là, à l'achat qu'au bout de certains temps, l'insan, il va se calmer. Ce n'est pas du sabre. Le sabre, c'est au moment quand tu apprends la nouvelle. فَلِهَذَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ, quand il est passé devant une femme qui pleurait, elle avait perdu un de ses enfants, et elle disait certaines choses, et le Nabi صلى الله عليه وسلم, il l'a conseillé, et elle ne savait pas que c'était le Rasoul صلى الله عليه وسلم. Elle a répondu. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, il est parti. Quand ils ont informé cette femme, celui qui l'a conseillé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue, elle s'est excusée, il a akhiri. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. La patience, c'est au départ, quand tu as appris la nouvelle. Amma plus tard, ça c'est pas du sabr. Donc le lien entre hadith Abi Huraira wa hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma et le bab, il est wadih. Anna as-sabr, la patience, ça permet de ne pas tomber dans ce genre de péché. An-niyaha 'ala al-mayyit. Amma hadith Anas, qala Cheikh al-Fawzan hafidhahullah fi al-mulakhas, fihi al-hath 'ala as-sabr 'ala al-masa'ib war-ridha bil-qadr li'anna dhalik fi as-salih al-'abd. Na'am, idha arada Allahu bi'abdihi al-khayr 'ajjala lahu al-'uquba fi ad-dunya. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour une personne, فَيُعَجِّلْ لَهُ, أي, il le châtie fi dunya, avec une épreuve. Hatta, ce péché, il a été puni pour son péché. فَيَوْمُ الْقِيَامَةِ, il n'aura pas à rendre de compte sur cela. لِمَاذَا لِأَنَّ اللَّهِ يُحِبُّ. أَمَّا إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرْ, si Allah il veut du mal pour واحد qu'il le mérite, أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ. Et il le laisse vite dunya. Peut-être qu'il ne sera pas châtié directement vite dunya. Hatta yuafiya bihi yawm al-qiyam. Hatta yawm al-qiyam, il rendra des comptes sur ce qu'il a fait, contrairement au mu'min. Qala hadha al-hadith akhrajahu wa al-tirmidhi fi al-hashiyah wa hassanahu al-tirmidhi na'am wa sahahahu al-imam al-albani fi sahih al-jami'. Al-hadith Cheikh al-Albani la sahah. وقوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, قال الشيخ الفوزان حفظه الله في عانة المستفيد, المراد بالبلاء هنا الابتلاء والامتحان, فيصاب الإنسان بالشدة, يصاب بالمرض, يصاب بضياع المال يصاب بموت القريب. Les exemples qu'on a cités ensemble. Al-insan, il est éprouvé par ces choses. Ça peut être la maladie, ça peut être la perte de ses biens, ça peut être la perte d'un proche. قال ومن الناس من تتكاثر عليه المصائب وتتتابع صحيح بعض الناس يبتلون بكثرة épreuve après épreuve. قال وهذه علامة خير إذا كان مؤمنا وصبر. Bien sûr si c'est un mu'min. أما si c'est un mujrim, un kafir, un mulhid, un munafiq, عيادا بالله, c'est du shor vide dunya, et ce qu'il attend pour l'akhira, c'est encore plus grave. لكن si c'est un mu'min qui fait des efforts في دينه وفي العلم وفي تطبيق السنة فلا تخاف عليه. S'il est éprouvé, épreuve après épreuve, c'est un khayr pour lui. Tant qu'il a deux choses, al-iman wa sabr. Si c'est un mu'min et il patiente et les épreuves, elles n'arrêtent pas de s'accumuler, fa'alam annahu il est ala khayr. Lianna Allah idha ahabba qawman ibtalahum kama ja'a fi hadha al-hadith. Qala hassanahu al-imam al-albani rahimahullah, le deuxième hadith. نعم فتوسع حديث صحيحة ثابتة. قال الشيخ السعدي رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله والصبر على معصيته فهو ظاهر لكل أحد. C'est les deux catégories qu'on a lues dans la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. As-sabru ala ta'atillah, patienter pour adorer Allah Azza wa Jal, pour appliquer ses ordres, subhanah. Was-sabru ala ma'siyatihi, ay, patienter et s'écarter des péchés. Fahuwa zahirun li kulli ahad. Ça, en haqiqa, sahih, c'est clair pour tout le monde. Anna, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour s'écarter des interdits, il faut de la patience. Qala أنهما من الإيمان بل هما أساسه وفروعه فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه وصبر عن محارم الله. الشيخ السعدي رحمه الله قال هنا أن الصبر سأساس هذا الدين. صحيح أن الدين كله il est fondé sur الصبر. Chaque chose que tu fais, il faut de la patience. At-tawhid, il faut de la patience. Al-ilm, pour apprendre à la din, il faut de la patience. Pour faire salat, il faut de la patience. Même l'ibada, et il faut du sabr. Il faut du sabr pour la faire, et il faut de la patience pour continuer à la faire, jusqu'à la mort. Kadhalik al-haram, même in haram, il faut du sabr pour s'écarter. Hatta l'insan yalqa Allah azza wa jal. قال فإن الدين يدور على ثلاثة أصول. الدين il est fondé sur trois fondements. قال تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc toutes les informations qui viennent de Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager صلى الله عليه وسلم فيجب علينا جميعا التصديق. On doit croire. Et celui qui كذب ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا c'est du كفر أكبر عيدا بالله. Donc le premier fondement, تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le deuxième, قال وامتثال أمر الله ورسوله. Mettre en application هذا الخبر, هذا الأمر. Si c'est un ordre, mettre en application. Ça nous montre أن الدين c'est une croyance, aqida, et kadhalik, amal. Amma mujarrad al-tasdiq, sans appliquer, fala. Matalan, wahad, il reconnaît en Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite l'adoration et il ne l'adore pas. Hada la yamfa'. Labud min tasdiq wa min imtitha. C'est pour ça qu'on doit mettre en application al-tawhid. On doit mettre en application al-salat wa hakada. Al-insan, il fait les ibadat bi qadri ma yastati'. قال وامتثال أمره أو أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والثالث واجتناب نهيهما. Et le troisième, s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit et son messager صلى الله عليه وسلم. فمثلا celui qui sait que le shirk c'est haram, lakin il le fait, هذا لا ينفع. لا ينفع. فلا بد من عقيدة et mettre en application. Si c'est un ordre, on le fait. Si c'est un interdit, on s'écarte. Et bien sûr, aqidat al-sunnah, celui qui fait un péché ou qui n'a pas appliqué certaines ibadat et ça ne fait pas sortir de l'islam, ça reste un mu'min. Lakin, par rapport à son égarement, et le fait de délaisser un ordre ou de faire un interdit, son iman il descend. Et certaines choses, ça annule l'iman bil-kulliya. Certains péchés, que shirk. Et certaines ibadat, les faits de le délaisser, ça annule l'iman. Bil kulliya, ça annule complètement l'iman. Car, mathalan, wahid, il ne veut pas prononcer le shahada. Ou il n'est pas en application de tawhid. Mais chacun nous a un kafir, bil ijma'. Qala rahimahullah, fas sabru ala aqdarillah al mu'lima dakhilun fi hadhihi al umum. Walakin khussa bil dhikr li shiddati al haja ila ma'rifatihi wal amali bih. Naam, lianna, tout ce qu'on a cité précédemment, c'est min qadarillah. Mathalan, est-ce que tu vas faire salat, c'est min qadarillah. Quand tu t'écartes de tel interdit, c'est min qadarillah. Lakin al-ulama, il le cite en troisième catégorie tellement que c'est important. Pour montrer son importance, et كذلك, ne pas avoir de la rafla. Fi ahad al-bab. Qala fa inna al-abd mata alima anna al-musibata bi-idnillah wa anna allaha atamma al-hikmata fi taqdiriha وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد رضي بقضاء الله. Très très important d'étudier هذا الباب القدر, le destin. C'est pour ça que celui qui fait des efforts في هذا الباب, et ça fait partie de l'aqida, celui qui donne de l'importance à cette aqida, il sera قوي, il sera très très fort, très très fort في جميع الأمور ولله الحمد. S'il est éprouvé, il sera fort. S'il est critiqué, il sera fort. S'il a subi une injustice, il sera fort. L'imam, il sait que tout ça, c'est bi qadarillah. C'est fait. Allah, il a qadr hada. Fa yasbir. Qala. Radiya bi qadarillah. Wa sallama li amrihi. Wa sabara ala al makari. Taqarruban ila Allah. C'est important d'avoir cette niya. Ay, hada sabr. Et le fait de ne pas se venger pour son nefs et ne pas défendre son nefs, tout ça c'est taqarruban ila Allah, celui qui veut l'ajr. Amma ba'd an-nas en apparence yasbirun, lakin en haqiqa c'est à cause de leur faiblesse, li ajzihim. Mathalan wahid, il leur fait une injustice et ils ne répondent pas la annahum yasbirun ila akhri la li annahum, ils ont peur ou ils sont faibles. Al-amal bin niyat. On n'oublie pas, nous, cette niya. Fas-sabr. Ou accepter hadha al-qadr, c'est taqruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut l'ajr. Qala wa raja'an li thawabihi. Deuxième point. C'est-à-dire qu'on espère la récompense. Quand tu es éprouvé et tu patientes, se plaindre, ça ne sert à rien. كثرت الكلام بوكو بارلي سا سيغ ا ريان بل سا افيبلي كثيرا. اما celui qui patiente لله كذلك il espère la récompense. لماذا؟ لان الله sait tout. وهذا العبد يصبر لله عز وجل, il se retient لله سبحانه وتعالى en espérant la récompense, فان شاء الله تعالى il sera récompensé. قال وخوفا من عقابه. On revient au abwa précédent. Ar-raja wal-khawf. Qala wa-ghtinaman li-afdhal al-akhlaq. Li-annahu c'est un mu'min. Et il sait que hada ad-din, il a donné beaucoup d'importance au bon comportement. Fahoua, il fait tout pour appliquer ses bons comportements. Quand il est éprouvé, ou quand il est fi raha. Qala fatma anna qalbuh. وقوي إيمانه وتوحيده. Le fruit de tout cela, أن قلبه يطمئن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Il a mis en application هذه العقيدة. فقلبه يطمئن. Tu trouveras هذا العبد المؤمن, il est très tranquille, même s'il est éprouvé, même s'il est attaqué, même s'il est insulté, il est في طمأنينة وراحة وسكينة. Pourquoi? لأنه il a cette arme, الصبر. Contrairement à بعض الناس, انفعال وانزعاج وكثرة كلام, et Et beaucoup de choses, il se fait du mal qu'à lui-même. Des insultes, des menaces, il se plaint, il a arrêté les mains, il y en a Foulain, il l'a critiqué. Ou Foulain, il lui a fait telle chose. Ça montre le ضعف. Mais Al-Qawi, Qawi al-Iman, on parle, il espère. Et قلبه il est مطمئن وقوي إيمانه وتوحيده. Et c'est une alama أن إيمانه son إيمان et هكذا son توحيد il est قوي. On doit faire des efforts في هذا. Enfin, on est مقصر. On doit faire beaucoup d'efforts في هذا. Et في باب الصبر. Ce qui aide كذلك c'est l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لماذا لأنه عليه الصلاة والسلام c'est le قدوة c'est l'أسوة c'est notre modèle notre exemple et il a été beaucoup éprouvé عليه الصلاة والسلام لماذا لأنه c'est أفضل الناس أفضل البشر عليه الصلاة والسلام et c'est celui qui a été le plus éprouvé عليه الصلاة والسلام en lisant sa biographie tu verras que tes épreuves par rapport aux épreuves du prophète صلى الله عليه وسلم c'est incomparable. Ça te permettra de patienter wa tashkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça fait monter l'iman. Et si l'iman il monte كذلك الصبر يقوى. كذلك étudier la biographie des compagnons alayhi radiyallahu anhum, la biographie des salaf, des imams de la sunna, ça aide. Amma al-ghafla, l'insouciance wa al-inhimak fi ad-dunya, penser qu'à ad-dunya. والبعد عن العلم s'écarter du ilm ومخالطة الأشرار fréquenter les mauvaises personnes tout ça ça affaiblit le cœur et quand l'insan il est dans cette situation il est touché par une épreuve غالبا لا يصبر لماذا لأنه il ne s'est pas préparé l'insan il doit se préparer avant d'être éprouvé enfin, s'il est éprouvé il a des choses sur quoi s'accrocher son iman, yatawakkal ala Allah, yad'u Allah, il n'est pas fait rafla, walillahi alhamd, son cœur il est prêt, yasbir, il croit au qadar, il a la conviction en ce qui se passe, c'est bi qadarillah, et il ne peut pas le repousser, fa il fait les esprits, yatawakkal ala Allah, et il est fi raha. Wallahu al-musta'an. Hada al-bab, bab mukhtasar. Et il est neuf. Naktafi bihada et on passe à notre deuxième dars. Bi idnillahi jalla wa ala.